Mon frère Bachy, vous vous rappelez, il y a quelques jours, l'ambassadeur français au Sénégal a affirmé récemment que la France ne cédera pas son emprise exclusive sur le franc CFA. C'est passé comme si de rien n'était, mais il a dit clairement cela. Alors, si ce franc CFA ne lui servait à rien, ne sert pas grand-chose à la France, et pourquoi donc nous réaffirmer l'exclusivité de gestion de cette monnaie-là, qu'on prétend être la monnaie des Africains, alors que c'est une monnaie qui sert à vampiriser les pays africains, les peuples africains. Afrimédia l'a constamment démontré. Le pillage de nos ressources naturelles et l'exploitation des travailleurs africains par les multinationales françaises et sociétés françaises ne sont possibles que parce qu'il y a le franc CFA. Et c'est pour cela que la France exerce la suggestion politique, économique, militaire, culturelle sur l'ensemble des pays qui sont vampirisés par le franc CFA. Alors, il y a une espèce d'indécence, vraiment, et de cynisme négrophobe qui pousse la France et certains agents d'impérialistes africains à dire que c'est la mauvaise gouvernance qui est le mobile de la dévaluation du franc CFA. C'est ce qui est dit. Je dis bien qu'il y a une espèce d'indécence et de cynisme négophobe. Car ces soi-disant partisans de l'orthodoxie de la bonne gouvernance oublient quand même et font l'impasse sur le hold-up des secteurs vitaux de l'économie africaine via les privatisations. Ce hold-up qui a été opéré par les sociétés et les multinationales françaises. Ça, ils ne le disent pas. Ils ne disent pas qu'avec les APE, ils ont hypothéqué et bloqué l'industrialisation de l'Afrique. Ça également, ils ne le disent pas. Ils ne disent pas aussi que concernant le Cameroun et le Tchad, Ils ont imposé à ces deux pays une guerre que ces pays n'avaient pas du tout programmée et n'ont pas programmée. À savoir la lutte contre la filiale africaine de l'État islamique au Sahel, vulgairement appelé Boko Haram. C'est des milliards et des milliards de francs CFA que le Cameroun et le Tchad perdent chaque jour pour endiguer ce fléau-là. Le même Tchad, ils ont appelé le Tchad à aller s'investir à la guerre du Mali, disant qu'ils allaient lui faire une compensation financière. Le Tchad attend encore cet argent jusqu'aujourd'hui. Et puis un bon matin, on vient, on nous fait des grandes dissertations sur la bonne gouvernance et on nous dit, c'est pour cela qu'on va dévoiler le franc CFA. Non, il faut quand même qu'on arrête de nous prendre pour des tarés. Les Africains ne sont pas des tarés. Si aujourd'hui on nous dit le franc CFA de la CEMA est presque nul et le franc CFA de l'UMOA est assez bien, en réalité ça obéit à la politique de diviser pour régner, pour casser la dynamique panafricaine qui vise à appeler les peuples africains et les chefs d'État africains à se retirer purement et simplement du franc CFA pour assumer leur souveraineté politique, économique, monétaire, et donc leur développement et leur émancipation. Si cette dévaluation-là est faite, je dirais que les peuples africains et les dirigeants africains ne doivent pas trembler comme des feuilles mortes en plein vent. C'est l'occasion historique de saisir cette aubaine pour nous retirer du franc CFA, battre nos monnaies respectives ou communes. Selon que la donne se présente, je dis bien respective ou commune, et de mettre sur pied un tissu bancaire endogène au service de l'économie locale, au service des peuples africains, également de transformer nos économies extraverties en économies endogènes, parce qu'on en a besoin de cela. Et on en a profité également pour dénoncer les accords dits de coopération qu'on a imposé aux peuples africains dans les années 1950-1960, qui sont malheureusement encore en vigueur jusqu'à l'heure actuelle. On en profite pour les dénoncer. Et pour dénoncer les APE, c'est vraiment l'occasion historique que les pays africains doivent saisir. Que les pays de l'Afrique de l'Ouest ne se laissent pas berner par les sirènes des hommes liches de l'impérialisme qui sont là-bas. Et on en a cité deux pour dire que ce sont eux qui sont la référence. Que les peuples de l'Afrique de l'Ouest ne les écoutent pas. Une dévaluation du franc CFA pour la CEMAC, que les pays de l'Afrique de l'Ouest disent nous on se retire du franc CFA et demandent à la France de leur restituer tous leurs avoirs des réserves du compte d'opération. Parce qu'ils nous font un audit. Les chiffres que nous donne la Banque de France, qui nous dit on avait les réserves de tant de milliards, de nombre de milliards en 2016, en 2017, c'est sur quelle base? C'est la France celle qui nous dit. Quel expert africain qui a vérifié cela? Qui a vérifié tous ces chiffres? Nous devons amener la France au Conseil, à la Cour internationale de justice, pour non-restitution de nos avoirs du compte d'opération. C'est ça, c'est vraiment, on va aller du tête au tête par rapport à ce problème de dévaluation. Que nos chefs d'État cessent de trembler et que les peuples africains cessent de trembler. C'est l'occasion ou jamais de couper tous les cordons ombilicaux dont parlait mon ami Sita, dont je salue en passant, qu'il nous faut nécessairement. C'est le prix de notre émancipation, c'est le prix d'assumer notre dignité d'homme. Car nos ancêtres étaient des hommes, nos ancêtres étaient des femmes, alors on doit redevenir des hommes et des femmes, et non des esclaves et des pantins et ou des zombies. Merci mon frère Zambabashi. Merci, président Bandakani. Alors, comment est-ce qu'on peut faire face à cela? C'est vrai qu'on vous sait très très dur, très virulent même hein, en ce qui concerne le CFA. Mais vraiment, on veut savoir comment est-ce qu'on peut faire face à ceci. Parce que ce que peut-être beaucoup ne savent pas, c'est que cette dévaluation, si elle aura lieu, elle est très imminente. C'est une histoire de jours. Mais Bachi, vous me demandez d'arrêter un processus historique qui va conduire à la libération du continent africain? Non, je ne pourrais avoir cette prétention. Je vous en prie. Qu'est-ce que je veux dire par là, par ma réaction? Alors, permettez-moi de saluer spécialement Sitak. Oui. Je veux le saluer, un salut spécial, et lui témoigner toute l'affection que j'ai pour lui. Oui. C'est un grand monsieur, c'est un grand homme. Je suis content de le voir là-bas. Je voudrais aussi apprécier l'analyse de mon ami Nenkam. Oui. Il a fait une très bonne analyse que je voudrais saluer, n'est-ce pas? Tout comme je salue les brillantes analyses qui ont été faites sur ce plateau par notre expert du jour, et surtout, M. Mouta Mbassa, membre du comité central du RDPC. Ah, pourquoi cette précision? Non, parce que c'est il est très rare d'entendre de tels sons qui viennent de gens, qui viennent de ce côté-là comme ça. Il faut saluer ça. Ouais. Il faut saluer ça. Donc je salue ça. Ça. C'est du courage et c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend. Donc, Bachi, je voudrais descendre, je veux poser les bases de mon analyse. C'est que moi, je ne lis pas les phénomènes économiques selon l'économisme néocolonial. C'est-à-dire qu'il y a un jargon que le système économique néocolonial, que la prédation, le crime, le banditisme, il n'y a même pas le mot, l'abjection qu'on appelle le colonialisme, le néocolonialisme a établi, n'est-ce pas, dans nos sociétés et nous amène à lire l'économie et à lire les phénomènes économiques comme la France veut qu'on les lise. C'est ça. Moi, je fais pas ça. Donc, moi, je ne lis pas les choses comme ça. Donc, pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis que l'affaire est simple. Par ce que vous appelez dévaluation, il est question de faire payer à l'Afrique les frais du banditisme financier qui tient lieu de système monétaire international, dont la zone franc n'est qu'une partie. Ça veut dire démontrer ici que la zone franc ne peut exister que parce qu'il y a un deal. Il y a un deal démoniaque entre la France et le FMI, la Banque mondiale, les États-Unis. Parce qu'un système monétaire international crédible et sérieux ne peut pas supporter qu'il y ait l'existence d'une zone comme le franc CFA. À partir du moment où on parle de mondialisation et d'intégration de l'économie. Ce sont des choses élémentaires. Mais si pendant longtemps on supporte l'existence d'une telle zone, c'est parce qu'il y a un deal entre ces pays-là. Donc actuellement, non. Il faut faire payer à l'Afrique, non? Que la plupart de ces pays tirent profit de ces. Mais tout ce système international tel qu'il est organisé a besoin d'un truc comme la zone franc. La France, c'est un maillon de ce système-là. Et ils s'y tiennent. Donc on veut faire payer à l'Afrique le banditisme financier, les conséquences, les frais. Parce que l'Afrique a toujours été une variable d'ajustement. C'est-à-dire, on veut nous faire payer les frais, n'est-ce pas, de ce banditisme financier qui tient le système monétaire international. Et la France est obligée de donner les gages à ses partenaires. Et comment donner les gages en détruisant l'Afrique, en faisant payer même à l'Afrique aussi le banditisme financier de la France. Et le fait qu'elle est un pays parasite qui vit sur le dos, n'est-ce pas, de l'Afrique. C'est un parasite. Donc un parasite ne se nourrit qu'en détruisant l'autre. C'est comme ça. Donc moi j'explique ça d'abord comme ça, premièrement. Les arguments techniques qui ont été développés sont brillamment développés. Mais elles nous conduisent vers une simple réalité, Bachir. La vraie réalité de l'enjeu du franc CFA. Aoum me l'a dit. C'est une affaire politique. Faut pas rêver. C'est une affaire politique. Renverser un peu les choses. Bachir, si la France respectait les articles 7 et 9 de la Convention, n'est-ce pas, qui l'oblige à disponibiliser les devises chaque fois qu'il y a la crise. C'est une obligation. Si la France respectait ça, la zone France serait pourtant une bonne zone monétaire. C'est la France, c'est pour ça qu'on ne dévalue même pas. Mm-hmm. Donc on va tout rester dans la zone franc. Vous comprenez pourquoi je suis en train de vous dire que l'affaire, ne me demandez pas de bloquer une dynamique historique qui nous conduit vers la libération. Mm-hmm. Imaginez que la France, qu'on ne dévalue même pas le franc CFA. Est-ce qu'il faudra rester dans la zone franc? Il faudra rester à l'intérieur de ce machin-là. Donc, il faut bien comprendre. Lorsqu'un pays n'est incapable de respecter une convention qu'elle a signée, qu'elle aime la créer et imposer au pays, pas de voie militaire, elle a imposé ça. Les articles 7 et 9, voici l'aspect de l'affaire, il est assis là, demandent à la France de disponibiliser automatiquement les devises tant qu'il y a crise. Mm-hmm. Parce que c'est la contrepartie de ce qu'on appelle le compte d'opération. C'est la contrepartie de ce qu'on appelle des devises que nous déposons systématiquement dans ce qu'on appelle contre d'opération. Ce système, voilà, clair. C'est nous sommes la première fois, la France n'est pas respectée en 94. Oui. On a fait quoi? Est-ce qu'on n'a pas vu ça? Il va faire la même chose. Attends, est-ce qu'on n'a pas vu ça? Mais il n'a pas fait en 94. À l'époque où la situation de l'État français était même mieux qu'aujourd'hui. Alors qu'actuellement, la situation de l'État français est pire qu'en 1994. Comment pensez-vous donc qu'elle va respecter cette convention? Il faut donc plutôt voir en quoi est-ce qu'une dévaluation nous fait accélérer le processus de libération. Justement, vous venez voilà. Au deuxième volet voilà. De la question. Voilà. Est-ce qu'il y a un côté positif? J'arrive. Dans cette dévaluation. Moi, je parle comme ça. Oui. Je vous fais parler comme je suis en train de parler. Là. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux là autour de cette affaire. Donc, Bachir, la question qui se pose derrière cette affaire de dévaluation, mais avant, je voudrais revenir sur les affaires d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique. Je vous en prie, allez-y. Oui. Tout à l'heure, M. Nunkam nous a interpellé. Je veux rester galant. Par trois ou quatre fois. Oui, je comprends voilà. son interpellation. Je crois que c'était une manière pour lui de dire que il y a un aspect technique, c'est vrai, mais il vous rejoint à dire que cette question est surtout une question politique. Non, j'ai compris qu'il est en train de nous dire d'accélérer. Voilà. Il dit que d'être prêt. C'est-à-dire qu'à parachever, n'est-ce pas, c'est qu'on a commencé, n'est-ce pas, à parachever, ça, c'est le plan politique. Okay. J'ai compris ça comme ça. Okay. Donc, on n'a pas de problème. Mm-hmm. Alors, Bachir, imaginez-vous que lors de l'époque en France, quand la France est sous occupation nazie, la France a deux pôles d'autorité. Il y a deux pôles d'autorité. Il y a De Gaulle, qui est à Londres, qui a fui qu'il est à Londres et qui appelle à la résistance. Il y a Pétain, qui dit que c'est bon de cirer les pieds de Hitler. Bon, si Hitler, à l'époque, avait dit aux Français que, bon, Pétain, c'est un très bon président, qu'aurait dit les Français. Prenons les images historiques qui parlent aux gens. C'est-à-dire, je suis en train de dire que ce n'est pas Hitler qui devait dire aux Français le camp qu'il devait suivre. De Gaulle a composé, c'est peut-être que De Gaulle a gagné. Donc, De Gaulle, pour avancer, s'en fichait de ce qu'Hitler disait. Parce qu'il savait qu'Hitler ne peut rien dire qui va dans l'intérêt de la France. Revenons dans cette affaire d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Comment est-ce que la France qualifie une zone d'avancée? Et nous, on débat de ça. Quand la France dit qu'une zone est avancée, c'est que la zone-là est la pire zone, est la zone la plus reculée qui peut exister sur la Terre. Je dis bien sur la Terre. Même Haïti est mieux. La zone qu'on appelle la CEDEAO, c'est la zone la plus rétrograde sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel et politique dans l'histoire, je dis que dans le monde actuellement. Parce que la France est le dernier empire colonial. C'est-à-dire, malgré la Société des Nations, malgré l'ONU, la France est le dernier empire colonial protégé par l'ONU. Donc si la France, dans son empire colonial, la plus rétrograde qui a pu exister, la plus anti-civilisation, qualifie une zone d'être la zone la mieux gérée et la plus avancée, mais on tire les conclusions. Les peuples, mes frères qui sont en Afrique de l'Ouest, les peuples là, doivent se réveiller et cesser de pleurer. Si vous qualifiez un endroit, un pays comme la Côte d'Ivoire d'être bien géré, avec tout ce que nous voyons, il n'y a que la France. Il n'y a que la France pour faire des choses comme ça. Donc, classons ça. Les éléments sont clairs. Le pays qui dit que la zone du Moyen est bien gérée, c'est la France. Vous savez que depuis de 2001 à 2016, la Banque centrale d'Afrique, la BEAC, triple les taux de couverture monétaire des pays de la zone. Je dis bien de 2001 à 2016, triple les taux de couverture monétaire. C'est-à-dire que manque les falsifie avec la complicité directe de la France pour préparer ce qu'on est en train de vouloir nous servir là. Un pays qui fait ça, vous considérez ses propos concernant l'Afrique de l'Ouest? Un pays qui se comporte comme des bandits du quartier, qui tue les documents, qui falsifie, qui impose à des gouverneurs de la BEAC, M. Abega Tchama. Nous demandons au président Obiang de l'arrêter. Il faut arrêter le président, il faut arrêter M. Abega Tchama. Parce que de 2001 à 2000. Vous mettez dans la tête. De 2001 à 2011. Vous savez le compte. Oui, de tous ces gens-là. Tous là. Il faut les arrêter. De 2001 à 2016, avec des salaires inexplicables qu'on les donne, la France a organisé avec ces gens le trucage des taux de couverture monétaire. Donc on a menti à nos présidents. Alors, un menteur patenté comme la France, quand il vous dit que l'Afrique de l'Ouest est bien gérée, vous croyez à ça? Vous croyez à ça, M. Bachir? Yeah. Donc, il y a d'autres exemples qu'on peut prendre. La Banque mondiale et le FMI nous ont dit dans les années 80, 86, 90, que nos pays étaient les plus pauvres du monde. Donnez-moi un peu de temps, Bachir, je vais terminer. Les plus pauvres du monde étaient très mal gérés. On nous a dit ça. On nous a obligé à dévaluer et à aller se prendre les semences naturelles, n'est-ce pas? Les docteurs en économie nous ont dit ça, le FMI, la Banque mondiale. Mais dès que nous l'ont dit, qu'on a privatisé, qui est venu acheter nos entreprises? Hein? Qui est venu acheter la France couverte par le FMI, n'est-ce pas? Comment vous dites que les pays sont pauvres? Vous venez acheter leurs entreprises. Et les mêmes entreprises que vous avez qualifiées de pauvres et en faillite produisent dès les premières années de la privatisation des bénéfices extraordinaires. Mais ça veut dire quoi? Vous ne pouvez plus analyser l'économie Bachir sous aucun angle que ce soit avec le jargon de ces gens. Ce sont des bandits. Ce sont des bandits. Il ne faut accorder aucun crédit à leurs analyses du FMI, la Banque mondiale et encore de la France. Bon sang. Donc, l'enjeu est clair, là, je vais donc terminer par là, Bachir. Ouais. Aoumou nous a interpellé sur une chose, il nous a dit, le vrai enjeu du France, c'est la dévaluation, c'est est-ce que nous sommes des hommes? Il ne faut pas parler beaucoup. L'enjeu est de savoir si on est encore les hommes. Et pour démontrer que nous sommes les hommes, en ce début du XXIe siècle, nous devons couper, nous devons vaincre la France. Écoutez mes mots. Hein. De Gaulle, quand il est parti à Londres, en son temps, j'aime parler de Gaulle parce que quand je parle de Gaulle, les Français l'écoutent très bien. De Gaulle est parti, il dit que De Gaulle c'est un grand homme. Nous, on sait que c'est un assassin. Moi, j'utilise son nom pour les parler aussi. De Gaulle est allé à Londres pour s'organiser comment chasser Hitler de la France. Pas pour négocier avec Hitler un quelconque compromis concernant le sort de la France. Donc, si nous sommes les êtres humains, Bachir, l'enjeu de cette affaire, c'est de savoir est-ce qu'on peut vaincre la France? Moi, je réponds oui. Et je vous réponds en vous disant que voilà la solution que je suis en train d'apporter, Bachir. C'est-à-dire que la chute de la France, c'est de ça qu'il s'agit. Je m'en fous, excusez-moi, je parle comme si c'est un peu brutal. Les chefs d'État africains ont dit qu'il faut passer un consort. J'avais déjà dit ici que les présidents qui ne vont pas s'ajuster, y compris à l'Afrique centrale, y compris même ceux qui disent qu'ils sont panafricanistes, qui ne vont pas loin de cette affaire, seront balayés par l'histoire. Je l'avais dit ici, non? Nous voilà où nous sommes. Ça ne dépend plus ni de M. Paul Biya et des autres. Ou ils s'engagent, ou ils seront balayés. Ce n'est même pas un débat. Donc nous, on dit ceci, que la chute de la France, Bachir, est inscrite au cœur même de la France. La France contient en elle-même les germes de sa propre destruction. L'histoire est pavée de cadavres d'empires qui ont abusé de leur rang provisoire de puissance. Comment la France va faire pour annuler cette loi universelle? D'autant plus que la France n'a rien compris à la puissance, Bachir. On n'est pas une puissance impunément. C'est bien de dire que la France est un rang dans le monde, qu'elle est une puissance. Mais il y a un prix à payer dans l'histoire. Quand on est une puissance impunément, quand on est une puissance, l'histoire, c'est aussi un tribunal, Bachir, où les puissances provisoires sont des justiciables. Quand une puissance élève en morale politique et en tradition politique le crime, le viol, le vol, le mensonge, l'assassinat le plus vulgaire et le brigandage comme moyen d'État, cet empire est condamné irrémédiablement par l'histoire. Ce que je dis là, Bachir, ce n'est pas une affaire qui... Ce n'est pas dans 10 ans, hein. Ce n'est pas dans 10 ans. Ce n'est pas dans 5 ans. Les jours de la France sont comptés en Afrique et nous allons vaincre la France, Bachir. Très bien, c'est mieux ici. Merci, président Badaki.